C'est l'aube déjà, Jean-Pierre Luminet. Ainsi se conclut votre nuit rêvée. Grâce à vous, on a pu entendre cette nuit plusieurs histoires sur le destin de l'univers. On a écouté l'histoire du Big Bang, celle de la querelle de l'héliocentrisme à la Renaissance et celle de la naissance de la théorie dite de la relativité générale. Et puis on a entendu les mots de Vincent Van Gogh, les voix de Jacques Reda, de Raymond Queneau, de Jean-Claude Carrière et la musique de Thelonious Monk. Physique, mathématiques, histoire, peinture, poésie, musique auront donc été à l'honneur de cette nuit, à l'image de la variété des domaines qui vous passionnent sur le terrain particulier de l'astrophysique. Dans quel champ est-ce qu'on va, à votre avis, voir éclore dans les années qui viennent de nouvelles théories, de nouvelles découvertes? Quels domaines vont être au centre de la recherche dans les années à venir? Oui, dans les sciences de l'univers, en tout cas, il y a à la fois des instruments tout à fait extraordinaires qui sont attendus. On a parlé brièvement tout à l'heure de la première détection d'ondes gravitationnelles. Il faut bien se rendre compte que là, c'est réellement une ère nouvelle pour l'astronomie, qui naît, comme on va appeler l'astronomie gravitationnelle, puisque ces détecteurs vont devenir de plus en plus sensibles, vont détecter de plus en plus d'événements qui ne nous fournissent pas d'autres informations dans aucun autre domaine. Ça n'a même pas d'ondes électromagnétiques, ce genre de choses. Et donc, ça permet effectivement de mieux traquer les trous noirs, peut-être le Big Bang lui-même, donc c'est effectivement un futur assez extraordinaire. Après, dans l'astronomie plus traditionnelle, on est en train de développer des télescopes géants aujourd'hui. Bon, j'ai parlé du réseau de radiotélescopes qui permettra sans doute de voir le grand trou noir au centre de notre galaxie, mais en construction au nord du Chili, il y a ce qu'on appelle les extrêmement larges télescopes, qui sont des télescopes de 30 mètres de diamètre par rapport aux 8 mètres actuellement existants. Et donc, évidemment, tout ça, ça va nous donner accès à un volume plus grand de l'univers, ou en tout cas à un beaucoup plus grand nombre d'astres, que normalement ils sont trop faibles pour être vus par les moyens techniques actuels. Vous savez que parmi les grands sujets, on n'en a pas du tout parlé, j'ai pas travaillé dessus, mais ça fait partie des grandes questions que l'on pose régulièrement, surtout quand on fait des conférences de vulgarisation, et la vie ailleurs dans l'univers. Et donc vous savez que beaucoup de ces grands télescopes-là vont être capables de détecter davantage ce qu'on appelle d'exoplanètes, c'est-à-dire ces planètes qui sont en orbite autour d'autres étoiles que notre Soleil, et qui pourraient ressembler beaucoup à notre Terre, avec les conditions physico-chimiques que la Terre connaît. Et donc, évidemment, la question naturelle, la question du scientifique, c'est qu'à partir du moment où on a des conditions favorables, physiques, chimiques, où que la vie est apparue sur Terre, pourquoi ne serait-elle pas apparue ailleurs dans l'univers? Je pense que ça fait vraiment partie des très très grandes questions qui vont être explorées, et peut-être même résolues dans les prochaines décennies. Après, sur le plan de la partie dans laquelle je suis plus proche, parce que j'y travaille vraiment, c'est la physique vraiment fondamentale, la physique théorique, alors les grands questionnements également. C'est va-t-on enfin parvenir à unifier les deux grands piliers de la physique du XXe siècle, qui sont la relativité générale et la physique quantique, qui marchent tellement bien dans leurs domaines respectifs, mais quand on essaie de les mettre ensemble pour essayer de comprendre ce qui se passe par exemple au fond d'un trou noir, ou ce qui s'est passé vraiment au Big Bang, et que c'est vraiment le début du temps, ou au contraire, est-ce qu'on commence à le penser aujourd'hui, il a pu y avoir un avant Big Bang, avec éventuellement également une multitude d'univers différents, tout ça, ça relève donc de théories en cours de formation et en cours d'exploration, qu'on appelle des théories de gravitation quantique. Donc c'est là-dessus que porte aujourd'hui ma passion du chercheur. Et là, c'est un risque énorme parce que, comme on en avait déjà parlé, aucune garantie qu'aucune des pistes qui sont explorées aujourd'hui par les esprits les plus brillants de la physique théorique est une garantie de résultat. Peut-être qu'on s'est fourvoyé, peut-être qu'il faut chercher autre chose, et peut-être même qu'il n'y a pas de théorie unique, une théorie de tout. Voilà. Et bon, ça fait partie donc des enjeux, et je pense que c'est ça le futur de notre recherche dans les sciences de l'univers. Mais il ne faut pas oublier aussi, évidemment, qu'elles ne sont pas déconnectées du reste. Et donc, peut-être que je pense que les révolutions encore plus à attendre, plus importantes, qui risquent de davantage changer un petit peu y compris notre vie de tous les jours, ce sont les recherches dans un domaine tout à fait différent, notamment dans les sciences cognitives, comment fonctionne le cerveau, et puis surtout ces fameuses recherches qui sont à la fois enthousiasmantes et parfois nous glacent un petit peu le sang, les recherches sur l'intelligence artificielle. Est-ce que les robots vont finir à terme par remplacer l'humain? Est-ce qu'on va passer au transhumain? Tout un ensemble de sujets vraiment fondamentaux dont le public, les scientifiques en premier lieu, puis le public après, doivent réellement avoir conscience de ces enjeux extraordinaires. Merci infiniment, Jean-Pierre Luminet, de vous être prêté au jeu de cette nuit rêvée et de nous avoir donné envie de guetter les découvertes à venir et de nous avoir proposé les émissions qu'on a pu entendre cette nuit, émissions dont je signale qu'on peut toujours, comme d'habitude, les réécouter ou les télécharger sur le site franceculture.fr. Je cite tout de même quelques-uns de vos livres parus récemment. Vos publications sont nombreuses, je ne citerai qu'une petite partie. Il y a la conversation avec Hubert Reeves, intitulé « Dialogue sous le ciel étoilé » qui est paru chez Lafon, « L'univers en sans question » chez Duno, et puis le dernier tome de votre série « Des bâtisseurs du ciel » dont on avait parlé tout à l'heure, « Ulugh Beg, l'astronome de Samarcande » paru notamment au livre de poche. Je renvoie aussi vers votre blog que vous avez joliment intitulé « Luminescience » et qui comporte quantité d'informations sur vos publications, vos créations artistiques variées dans tous les domaines, et puis tout un tas de billets passionnants, on en donnera l'adresse exacte sur le site de l'émission. C'était donc La Nuit Rêvée de Jean-Pierre Luminet, attaché d'émission Hassan Mbechour, réalisation Virginie Mourté, prise de son Anthony Thomasson. Je vous propose qu'on se quitte en musique au son d'un compositeur qui vous est cher, c'est Ravel. On écoute un passage qui convient à cette heure de la journée, c'est Le lever du jour, extrait de Daphnis et Chloé, interprété par l'Orchestre Philharmonique de New York, sous la direction de Pierre Boulez.